Chapitre 33e. Il s'était fait un mouvement général et la marquise s'était levée. Il y avait près d'elle Lord Ferguson, immobile et raide dans son flegme britannique, le prince Seratov, un colosse à barbe rousse, Serkis Pacha, gros, court, le cou dans les épaules, le ventre sur les cuisses, le duc de Mestosa, petit, maigre, bilieux, les lèvres pâles, les yeux ardents, tous ayant été ou étant ses amants, si l'on en croyait certains propos, lequel serait le préféré. Elle passa devant eux en souriant à chacun et alla prendre le bras du comte Roqueblave, qui se laissa faire, sans paraître le moins du monde sensible à cette faveur. Pas un muscle de son visage flasque ne bougea, et il ne se donna pas la peine de chercher un mot de politesse ou un compliment. Il imprima seulement une légère courbure en avant à ses lourdes épaules, et redressant sa tête, il se dirigea à pas lents vers la salle à manger. « Qu'est-ce que le marquis peut bien vouloir tirer de Roqueblave ?» murmura Gaston à l'oreille de son ami. Mais ce n'était point l'heure d'examiner ce point délicat. Le marquis avait offert son bras à la comtesse Belmonte, et après avoir vivement déposé leur chapeau là où ils avaient pu trouver une place, quelques hommes s'étaient bravement avancés auprès des canapés. Trois bras restaient tendus vers Carmelita, et deux s'arrondissaient de chaque côté d'Ida. Lorsque la file fut formée, Gaston et le colonel se mirent à la queue et entrèrent les derniers dans la salle à manger. La lumière qui tombait du lustre et des candélabres, reflétée par les ors du surtout, la blancheur crue de la nappe et les facettes des cristaux, produisait un faisceau de clarté qui blessait la vue, tandis que l'odorat, au contraire, était agréablement excité par l'odeur des viandes et des truffes se mêlant au parfum des fleurs. La nécessité d'économiser l'espace qui avait dirigé la construction de l'hôtel se faisait sentir d'une façon fâcheuse dans la distribution de cette salle, car l'architecte, en calculant théoriquement la largeur pour la table et les chaises, n'avait réservé qu'une place insuffisante pour le service, de là une certaine gêne pour circuler, qui fut facilement devenue de la confusion sans le soin que prenait le maître de la maison d'indiquer d'un mot ou d'un signe à chaque convive qui entrait de quel côté il devait se diriger. Debout devant sa chaise, les yeux fixés sur la porte, le marquis s'acquittait de cette tâche avec une bonne grâce parfaite, et à le voir haussant sa petite taille, souriant à chacun, étendant le bras avec noblesse, on pouvait deviner que ses ancêtres avaient été gentilshommes de la chambre. Le colonel se trouva placé entre Ida et Carmelita, ayant un peu de distance en face de lui la marquise, qui avait à sa droite le comte Roqueblave et à sa gauche le baron Lazarus. Lorsqu'on s'assit, le colonel disparut un moment sous les flots de tulle rose de la jupe d'Ida et sous la traîne blanche de Carmelita. Mais bientôt les robes se tassèrent et le silence s'établit, troublé seulement par le tapotement argentin des cuillères. Tout en mangeant lentement son potage, le colonel se demandait ce qu'il dirait bien à ses voisines, et ce n'était pas sans un certain embarras qu'il se posait cette interrogation. Comment parle-t-on aux jeunes filles alors qu'on n'a pas un sujet banal? Quel thème commun pouvait-il exister entre lui, qui arrivait de l'autre côté de l'océan, et elle, celle-ci venant de Berlin, celle-là de Florence? La présomption et l'infatuation n'étaient pas ses défauts dominants. Il se rendait justice, et savait parfaitement qu'il n'était qu'un Yankee plus ou moins mal léché. Où aurait-il appris les mœurs et les usages de ce monde au milieu duquel il se trouvait pour la première fois? Il se plongea dans son assiette avec le recueillement d'un gourmand de profession, attendant qu'une occasion lui permît de se départir de son silence prudent. Elle lui fut bientôt offerte, car la marquise, tout à ses devoirs de maîtresse de maison, n'oubliait aucun de ses convives, et pour chacun elle avait un mot, ou tout au moins, quand la distance ne permettait pas les paroles, un sourire qui disait « Vous voyez que je pense à vous et que je suis à vous ». Bien que n'étant séparée du colonel que par la largeur de la table, ce fut ce langage des yeux qu'elle employait avec lui, mais il était tellement clair qu'il n'avait pas besoin d'être traduit. Après un signe d'appel adressé au colonel, elle avait regardé Ida, puis ensuite Carmelita. Alors, revenant au colonel, elle était restée les yeux sur lui en souriant. « Vous avez auprès de vous de jeunes filles charmantes, » disait ce sourire, « et c'est au vin qui emplit votre verre que vous faites des yeux tendres. »« Que dire ?» demanda le regard du colonel. Alors elle se mit à rire franchement, en haussant légèrement les épaules, puis prenant la parole. « Comment avez-vous trouvé nos courses, dimanche ?» demanda-t-elle. « Vous êtes-vous amusé, colonel ?» Évidemment, les courses étaient un sujet qui permettait de parler pour ne rien dire. Comment n'y avait-elle pas songé ? Après avoir répondu à la marquise, il se tourna vers Carmelita, puis ensuite vers Ida. La glace était rompue. Au reste, le silence avait partout cessé, et des conversations particulières s'étaient établies, troublées seulement de temps en temps par quelques paroles plus hautes, qui allait d'un côté de la table à l'autre. Et pendant ce temps, les valets poudrés circulaient derrière les chaises, silencieux, graves comme des ombres, attentifs à leur service. Seul entre tous les convives, le comte Roqueblave ne parlait pas, et le colonel, qui l'examinait curieusement, avait remarqué qu'il n'avait pas encore dit un mot à la marquise. Assis carrément sur sa chaise, les reins appuyés contre le dossier, il mangeait lentement, mais continuellement, sans presser ou ralentir le mouvement régulier de ses fortes mâchoires, ne s'interrompant que pour vider son verre ou faire un léger signe affirmatif au valet qui passait les plats et les bouteilles. Sa serviette, maintenue par un coin de la boutonnière de son habit, était étendue sur son large ventre et elle recevait les gouttes de sauce ou de jus qui tombaient de sa bouche et glissait en deux filets le long de son menton qu'il ne prenait pas la peine d'essuyer. Pourquoi ? Pour qui se serait-il gêné ? On l'avait invité à manger, il mangeait. Le colonel avait passé une partie de sa vie auprès de gentlemen qui, dans les eating house, avalaient, avec la voracité de gens affamés, les plats sur lesquels ils se jetaient, et après avoir copieusement dîné en 7 ou 8 minutes, s'essuyaient la barbe et les doigts au coin de la nappe. Il n'avait jamais vu manger avec cette ignoble sérénité. Évidemment, cet homme s'était placé au-dessus des 20 préjugés du monde, et la satisfaction de son appétit devait être sa seule règle, à table comme partout. Le baron Lazarus, au contraire, se montrait empressé auprès de la marquise, et pour l'écouter, ce n'était pas seulement de l'attention qu'on voyait sur son visage, c'était de l'admiration, presque du respect. De temps en temps, elle se penchait vers lui, et alors il riait formidablement de ce qu'elle lui avait dit à mi-voix. Souvent, leurs regards se fixaient en même temps sur le colonel, et alors ils reprenaient leur conversation intime, mais cette fois sans que le baron s'abandonnât à ses accès de grosse gaieté. Que disait-il ? Le colonel n'en prenait pas grand souci. Il n'était plus dans les mêmes dispositions qu'en s'asseyant à table. L'atmosphère de cette salle, la chaleur des vins, la gaieté qui se dégageait des choses environnantes, la beauté de Carmelita, le charme d'Ida, la séduction de la marquise, avaient fait battre son cœur plus vite. Ils étaient excellents, ces vins. Elles étaient ravissantes, ces femmes. Et c'était avec un sentiment de béatitude qu'il écoutait le babil de la jeune Allemande. Paris était bien agréable à habiter, mais aussi bien fatigant. Toujours des fêtes, des soirées, des dîners, des bals, le théâtre. Pour elle, elle préférait une vie plus calme, plus recueillie, dans la tranquillité du foyer, avec une lecture le soir, un peu de musique, des amis intimes près desquels on peut laisser parler son cœur, ou bien encore une retraite à la campagne, au bord de la mer ou bien dans les montagnes, avec des promenades en toute liberté au clair de la lune, sous les grands bois, en écoutant le vent. À sa gauche, Carmelita parlait beaucoup moins, et lorsqu'il lui adressait la parole, elle ne répondait guère que par un mot, mais ce mot, elle le prononçait d'une voix harmonieuse, qui seule était une séduction. Puis elle tournait vers lui son beau visage, et tant qu'il causait, elle demeurait les yeux grands ouverts, comme si elle voulait qu'on lût dans son âme la réponse qu'elle ne daignait pas formuler avec ses lèvres. Mais que se trouvait-il dans cette âme ? Le colonel était inhabile à le deviner, car ses grands yeux sur lesquels il se penchait ne s'ouvraient pas pour lui. C'était une eau tranquille, recouvrant un abîme sans fond. Comme à un certain moment, vers la fin du dîner, il restait ainsi les yeux plongés dans ceux de l'Italienne, il crut sentir un frôlement contre son pied. Tout d'abord, il n'y prit pas attention. Sans doute, c'était la traîne de la robe. Mais au contact se joignit bientôt une légère sensation de chaleur qui le pénétra. Alors il releva les yeux sur elle. Elle ne baissa pas les siens et se laissa regarder, sans que l'expression de son visage changeât, sans que sa prunelle s'agrandît ou se rapetissa, calme, impassible. Se trompait-il ? Mais non. Alors il se dit qu'elle ne devait pas avoir conscience de ce contact qui en tout cas devait être involontaire. Comme il agitait ses questions, assez ému, ne parlant pas, les conversations continuaient sur un ton plus élevé. « Pour moi, disait le comte Roqueblave, j'ai toujours soutenu que la solution de la question sociale et économique était bien facile. Il s'agit tout simplement de forcer l'ouvrier à travailler davantage et de le payer moins. S'il résiste, en avant, rang !»« Eh bien, baron, dit le duc de Mestosa, s'adressant au baron Lazarus, ne nous laisserez-vous pas tranquilles? Vous savez que positivement, vous devenez un sujet de trouble. On ne peut pas vivre paisiblement avec la menace de votre force militaire suspendue sur toutes les têtes. Mais nous ne menaçons personne, répondit le baron en riant avec bonhomie. Où avez-vous jamais vu des gens plus pacifiques que nous? Ce qui n'empêche pas, dit Serkis Pacha, que tout le monde a peur. Mais de quoi? Interrompit le baron. On ne sait pas, au juste, mais on a peur, et c'est une sensation désagréable. Tout le monde n'a pas peur, répondit fortement le capitaine de Maisonnel, et je connais des gens qui envisagent la guerre avec confiance et espérance. C'est le refrain du soldat, dit la marquise en riant. Sur ce mot, elle se leva et prit le bras du comte Roqueblave. Le colonel hésita un moment. À qui offrirait-il son bras? Elle était délicieuse, la petite Allemande, avec son clair de lune et ses grands bois, mais l'Italienne... La sensation chaude qui avait couru dans ses veines le décida. Toutes deux étaient levées, et tandis qu'Ida ne paraissait attentive qu'à étaler sa robe derrière elle, Carmelita se tenait droite devant lui, attendant. Ce fut à elle qu'il présenta son bras.